La couleur de ma peau va de la terre jusqu'au ciel. Quand je rembobine ma mémoire, ce que je vois c'est la savane. Étant petit, ce que je voulais voir c'était des gratte-ciels. Quand j'ouvre les yeux, ce que je vois c'est mes reflets en cabane. La couleur de ma peau va de la terre jusqu'au ciel. Quand je rembobine ma mémoire, ce que je vois c'est la savane. Étant petit, ce que je voulais voir c'était des gratte-ciels. Quand j'ouvre les yeux, ce que je vois c'est mes reflets en cabane. J'ai grandi sous l'ombre des palmiers au bord du fleuve Zaïre, où les mines de diamants par centaines on voit jaillir. Flottait sur les pirogues taquinant le courant des rivières. Nous sommes jubilés par l'envie de voir des sirènes d'eau douce. Petit muni d'une catapulte, j'aurais tué un croco, assommé un félin par des lanciers de noix de coco. Les contes sorciers nourrissaient mon esprit d'enfant fragile, couvé sous un toit de paille, couvrant hutte en argile. Des sentiers de terre reliés, forêts, champs et collines, bercés par le champ républicain, non celui des stone rolling. Mes frères stoïques, épidermes de la peau endurcie par le travail sous la chaleur, seul le vin de palme adouci. Les mains des jeunes de 20 ans rides avant l'âge, car l'espérance de vie du peuple étant celle du moyen. Amoureux d'un pays vert où l'océan était ciel. Aujourd'hui quand je lève la tête, ce que je vois c'est des gratte-ciels. La couleur de ma peau va de la terre jusqu'au ciel. Quand je rembobine ma mémoire, ce que je vois c'est la savane. Étant petit, ce que je voulais voir c'était des gratte-ciels. Quand j'ouvre les yeux, ce que je vois c'est mes reflets en cabane. La couleur de ma peau va de la terre jusqu'au ciel. Quand je rembobine ma mémoire, ce que je vois c'est la savane. Étant petit, ce que je voulais voir c'était des gratte-ciels. Quand j'ouvre les yeux, ce que je vois c'est mes reflets en cabane. Certains disent que le noir c'est la couleur des gens opprimés. Moi je vois rien, je suis dans un œuf, station de métro crimée. Où chacun se plante disant putain les temps sont durs imbéciles. Alors qu'il est les miens crèvent sous la dictature, l'homme ça me disparaît. L'artificiel s'instaurait, on veut stock que na pompe, gourmets, or et pack doré. De soldats de mon escadrille, sans mordre les doigts en cabane. Peut-être maintenant comprennent-ils mieux ce qu'est le sucre de canne. Même si l'arbre grandit, les racines resteront omniprésentes. Dans le monde moderne, je suis MC, mais le fer rouge en présente. Les temps me permettent de pouvoir respirer mon oxygène. À Paris, je suis en apnée, ce qui me reste, c'est mes gènes indigènes. Je parlerai pas de ce qui se passe chez moi, tout est rasé. Dans ce monde de géants, toutes les fourmis sont écrasées. Entre ici et là-bas, peux-tu me dire quel est le juste milieu, juste milieu, juste milieu. La couleur de ma peau va de la terre jusqu'au ciel. Quand je rembobine ma mémoire, ce que je vois c'est la savane. Étant petit, ce que je voulais voir c'était des gratte-ciels. Quand j'ouvre les yeux, ce que je vois c'est mes reflets en cabane. La couleur de ma peau va de la terre jusqu'au ciel. Quand je rembobine ma mémoire, ce que je vois c'est la savane. Étant petit, ce que je voulais voir c'était des gratte-ciels. Quand j'ouvre les yeux, ce que je vois c'est mes reflets en cabane. La couleur de ma peau va de la terre jusqu'au ciel. Étant petit, ce que je voulais voir, c'était des gratte-ciels. La couleur de ma peau va de la terre jusqu'au ciel. Étant petit, ce que je voulais voir, c'était des gratte-ciels.